Join me on R.I.G. R.I.G. Oh, la partie, c'est un contre-jour de l'exo. R.I.G. 90.7. Bonsoir tout le monde, est-ce que vous allez bien? C'est Thierry Gallet et nous sommes ensemble jusqu'à 22h pour la saga des Fab Four numéro 384. Ah ouais, j'ai discuté avec mon collègue quelques secondes et du coup bah, on s'embrouille et puis on n'est pas prêt. Voilà, maintenant ça y est, on est prêt et tout va très bien se passer. L'album de la semaine, c'est l'album Extra Text Read All About It de George Harrison 1975. On écoutera You, on écoutera The Answers at the End, Can't Stop Thinking About You. Également, Ooh Baby, You Know That I Love You. Il y aura Tired of Midnight Blue et à la fin, This Guitar Can Keep From Crying. Du bon George Harrison en 1975. Il y aura également du Lennon avec Hold On sur Plastic Ono Band en 1970. Pour McCartney, il y aura Dear Boy sur le fantastique Ram de 1971. Et puis pour les Beatles, ah oui, Ringo Starr d'abord. Have you seen my baby? Et si vous l'avez vu, my baby, bah dites-moi où elle est, parce que j'aimerais bien le savoir. C'est sur l'album Ringo, en 73. Et puis pour les Beatles, A Hard Day's Night, sur l'album éponyme A Hard Day's Night, sorti en 1964. Et je vous rappelle que 1964, c'est l'année des légendes, l'année fantastique. Il n'y a eu que des bonnes choses cette année-là. Je dis ça comme ça. Je ne montre personne du doigt. Personne. Donc je compte sur vous, on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four, on discute et tout va très très bien se passer. Extra Texture Riddle About It est le quatrième album studio de George Harrison en solo, sorti en 1975. D'une période plus creuse de l'artiste après l'échec critique et commercial de l'album précédent, l'album Dark Horse, et surtout de la tournée qu'il a accompagnée à la fin de l'année précédente. Harrison publie cependant cet album de façon décomplexée, allant même jusqu'à ajouter la mention « Oh no, not him again » dans la pochette du disque, à savoir donc « Oh non, pas encore lui ». L'album est enregistré durant l'été 75 dans un studio de Los Angeles, à l'exception de la chanson qui l'introduit, « You », qui a été ébauchée en 1971. Cette piste est généralement la plus reconnue de l'album et est également reprise dans une version instrumentale de quelques secondes en début de la phase B. Parmi les autres compositions de l'album, il y a « This Guitar Can't Keep From Crying », clin d'œil à « While My Guitar Gently Weeps », évidemment, c'est également édité en single, mais sans grand succès. Cet album connaît un accueil critique assez froid, bien que meilleur que celui de son prédécesseur. La plupart des critiques lui reprochent d'être, par moments, ennuyeux. Il se classe néanmoins 8e des charts américains et 16e des charts britanniques, où Dark Horse n'était même pas entré. C'est également le tout dernier album publié par Apple Records, puisqu'après, il était libre et il pouvait faire ce qu'il voulait. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce très bon album, je le maintiens, de George Harrison. You never knew, dear boy, what you had found. I guess you never knew, dear boy, that she was just the cutest thing around. I guess you never knew what you had found, dear boy. j'aime cette chanson. Et vous avez remarqué, j'ai essayé de faire un petit truc en mettant Opening Station, qui est extrait du nouvel album de McCartney, juste avant Dear Boy, et je trouve que ça s'enchaîne drôlement bien, comme si c'était fait exprès. Et Dear Boy date de 1971, de l'album Ram, et c'était un clin d'œil à, non pas à John Lennon, comme John Lennon l'a cru, mais à celui qui avait permis que Linda McCartney rencontre Paul McCartney. En fait, celui qui avait laissé tomber Linda McCartney, parce que Linda McCartney était mariée avec donc un gars. Et donc, quelque part, Paul McCartney disait « Merci, gentil garçon, d'avoir, de ne sais pas ce que tu as manqué. » Et puis, moi, je suis bien content, voilà. Mais enfin, très, très belle chanson. Comme disait un pote, cette chanson est verticale. Elle est bâtie sur les chœurs, sur la voix, plus que sur la musique. Et c'est absolument génial. Oui, c'est Ringo Starr, Have You Seen My Baby, en 1973, sur RIG. Appétit si vous êtes à table. Nous sommes en plein cœur de la saga des Fab Four, numéro 384, et c'est Thierry Gallet qui vous tient compagnie jusqu'à 22h. Nous allons parler des Beatles avec A Hard Day's Night, une version un petit peu spéciale que je vous ai réservée, mais puisque nous parlons des Beatles, nous allons parler de Lovely Rita. Lovely Vita, c'est la responsable du Beatles Magazine à Londres. Et si vous voulez, comme moi, tout savoir sur John, Paul, Ringo, George, les tournées de Paul, celles de Ringo, eh bien allez vous renseigner sur BeatlesMagazineUK.com. Vous y retrouverez toutes les infos, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et même une petite rubrique géniale sur laquelle il y a ce que, en tout cas, Lovely Vita connaît, les animateurs radio qui font des émissions dans le monde sur les Beatles. Et nous y sommes à la saga des Fab Four. Donc, allez vous renseigner sur Facebook, sur Google, sur Twitter et sur d'autres plateformes. BeatlesMagazineUK.com, c'est tous les jours et c'est drôlement bien. Merci, Lovely Rita. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. One, two, three, four. That's not it. You're playing this, boy. One, two, three, four. I missed the beat. One, two, three, four. It's been a hard day. S'ennuie pas lors des répètes avec les Beatles. Voilà, Hard Day's Night sur RIG 90.7 si vous nous écoutez en FM. Pour tout le reste du monde, c'est sur www.rigfm.fr. Je vous propose de revenir à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Extra Texture, Read All About It de George Harrison en 1975. Il avait des problèmes, George Harrison, pour trouver les titres de ses chansons, voire même le titre de ses albums. Extra Texture, Read All About It viendrait d'un paquet de pâtes sur lequel était marqué Extra Texture, Read All About It, de façon à pouvoir bien les cuisiner, etc. Faut pas aller chercher très loin quelquefois chez George Harrison pour le nom des albums. All Things Must Pass, par exemple, ça tombe bien quand on se sépare des Beatles. Il l'avait prévu avant, hein, mais parce qu'il sentait que ça n'allait pas très bien. Mais ça concordait très très bien avec la fin des Beatles. Les choses doivent passer. Allez, George Harrison, The Answers at the End, sur RIG. Friend with a microscopic glass. franchement, c'est du très bon Harrison, très très beau, avec une belle voix et un bon slow. The Answers at the End sur RIG. Nous allons aborder l'autre côté, le côté rock, John Lennon. John Lennon, en 1974, avec What You Got. J'adore ce morceau, il faut l'écouter vraiment au maximum possible parce que ça décrasse les oreilles. Et juste après, il y aura au contraire l'autre facette de John Lennon, celui qui savait être doux, sirupeux, ce que vous voulez, avec une chanson extraite de Milk and Honey en 1984, si ma mémoire ne défaille pas, et elle ne défaille pas, ce sera Forgive Me, My Little Flower Princess. Deux côtés de versant de John Lennon sur RIG dans la saga des Fab Four. One. Allez, on met le son au maximum. Il semblait avoir des choses à se faire pardonner, John Lennon, puisque la chanson précédente, c'était « Tu ne sais pas ce que tu as tant que tu ne l'as pas perdu ». Et celle-ci, « Pardonne-moi ma petite fleur princesse, ma petite princesse en fleurs. Le reste de ma vie, je te remercierai, blablabla, et je suis à la maison, etc. etc. » Je pense, et vous êtes de toute façon d'accord avec moi, que John Lennon était un gars qui voulait paraître être un gros dur, mais qu'en fait, il était tout miel à l'intérieur. Il avait besoin de l'amour de l'autre pour vivre. Et il avait besoin d'être aimé énormément et peut-être plus que les autres. C'est comme ça. Et c'est très bien aussi. Voici deux Beatles à la suite sur RG. Help et Nowhere Man. C'est du grand John Lennon. C'était en 1965 pour la première. Et 1965 aussi, mais l'album suivant, Rubber Soul, pour la seconde. Help, I need somebody. Help, not just anybody. You know I need someone. Help! When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone and I'm not so self-assured. Now I find, I've changed my mind, I'll open up the doors. You Rubber Soul est sorti en décembre 1965 en Angleterre. Nowhere Man a été enregistré le 21 et 22 octobre de cette même année et c'est le premier titre des Beatles qui ne soit pas une chanson d'amour. John composa Nowhere Man un matin au retour d'une sortie nocturne et cette chanson marque le début des pérégrinations philosophiques de son inspiration. Il a longtemps été admis que le Nowhere Man, l'homme de nulle part, était soit une personne bien spécifique, et Julia Phillips dans You'll Never Eat Lunch in This Town Again, son livre de révélation sur Hollywood, juge probable qu'il s'agisse d'un homme d'affaires du nom de Michael Brown, soit l'archétype de l'homme à la vie rangée et vaine, mais John déclara que cet homme de nulle part et que le désespoir l'avait poussé à composer cette chanson, c'était lui. Il avait passé 5 heures d'affilée devant une feuille blanche. J'avais arrêté de chercher, raconte-t-il à Hunter Davis, le biographe des Beatles. Rien ne venait. Je me sentais frustré. Je suis allé m'allonger, abandonnant tout espoir. Et là, j'ai vraiment eu l'impression d'être un homme de nulle part assis dans son pays qui n'existe pas. Nowhere Man sitting in his nowhere land. Et auparavant, Help, eh bien, c'était encore Lennon qui appelait à l'aide parce qu'à cette époque, en 1965, il se sentait pas bien, déjà. Et il avait besoin d'aide et il le transmettait dans ses chansons. Et on n'a pas toujours compris qu'il cherchait de l'aide, monsieur John Lennon. Je vous propose de revenir sur l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Extra Texture, Read All About It, de George Harrison. Et ce titre, Can't Stop Thinking About You, sur RIG. Can't stop thinking about you. Thinking about you. Anita, que vous connaissez, nous dit sur Facebook que cette chanson était dans le style d'une ballade soul, rhythm and blues. Elle a été écrite par George Harrison en décembre 1973. Elle n'est sortie qu'en 1975 sur cet album Extra Texture Read All About It, qui est un excellent album que l'on vous conseille ici dans la saga des Fab Four. Tout à l'heure, nous avons passé deux versants du talent de John Lennon avec les Beatles, avec Help et Nowhere Man. Voici deux versants du talent de Paul McCartney avec Eleanor Rigby et Penny Lane, à suivre sur RG dans la saga des Fab Four. Animateur radio, un homme et les Beatles. Chers auditeurs, nous pouvons l'écouter. Nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de partager cette passion avec le Beatlesman. Thierry Gallet est devenu cet homme. Passionnant. Passionné. En un mot, le meilleur. L'homme qui aimait les Beatles. Sur RIG, la saga des Fab Four. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go stop and say hello. On the corner is a bank of the motor car. Children laughing him behind his back. And the banker never wears a mask in the ball. C'est une rue de Liverpool, mais c'est surtout le nom du quartier qui entoure le carrefour qu'elle forme avec Smith Down Road. Aucun des endroits cités dans la chanson ne se trouve d'ailleurs sur la rue elle-même. Penny Lane n'est en fait qu'une, pour toute personne qui n'a pas grandi dans ce quartier de Liverpool, qu'une terne artère commerciale banlieusarde, pour emprunter les mots du musicien de jazz et critique d'art George Melly. Mais pour Paul et John, qui passèrent leur jeunesse dans ce quartier, c'est le symbole de la merveilleuse innocence de l'enfance, quand tous les visages semblaient amicaux et que le soleil brillait éternellement dans un ciel toujours bleu. John avait été le premier à faire allusion à Penny Lane quand il avait essayé de l'incorporer à In My Life. Mais c'est Paul qui en a finalement su en faire une chanson. Il a créé une scène de rue de Liverpool qui pourrait être tirée d'un livre pour enfants, avec une jolie nurse, un coiffeur affable, un banquier excentrique, un pompier patriotique et quelques passants bienveillants. C'est en partie la vérité, admet-il, et en partie de la nostalgie. Il y avait un salon de coiffure dans Penny Lane tenu par Mr. Bioletti qui affirmait avoir coupé les cheveux de John, Paul et George quand ils étaient enfants. Il y avait deux banques, une caserne de pompiers sur Allerton Road et un abri au milieu du rond-point. Le banquier sans un père et le pompier avec une photo de la reine dans sa poche n'ont jamais existé. Il s'agissait d'enjolivement de la part de Paul. J'ai écrit que le coiffeur avait des photographies de toutes les têtes qu'il avait eu le plaisir de connaître, raconte Paul, alors qu'il avait simplement des photos représentant diverses coupes de cheveux, évidemment. Mais les gens qui passent devant sa boutique s'arrêtent et vraiment pour dire bonjour. Le poète liverpoolien Roger McCauf, qui fait partie des Scaffold avec Mike, le frère de Paul, pense que Penny Lane et Strawberry Fields Forever étaient des chansons importantes parce que c'était la première fois que l'on parlait d'une ville qui n'était pas Memphis et d'une route qui n'était pas la Route 66 ni Highway 61. Les Beatles commençaient à parler de leur ville, de leurs racines, explique McCauf. Ils s'inspiraient de ce que nous chantions dans les rues, des vieilles chansons que nos parents avaient apprises à l'époque du music-hall. Liverpool n'avait pas de mythologie jusqu'à ce qu'ils en créent une. Aujourd'hui, Penny Lane est devenu le point de passage obligé de toute visite à Liverpool. J'irai, un de ces jours, j'irai, je vous le dis. Mais le succès de la chanson est à l'origine de nombreux changements. Toutes les plaques de rue ont été volées et celles qui les ont remplacées ont été particulièrement bien fixées et placées haut. Le salon de coiffure pour hommes est devenu un salon unisexe avec une photo des Beatles dans la vitrine. L'abri sur le rond-point a été rénové et transformé en Sgt Pepper Bistro. Et les paroles de la chanson sont inscrites au-dessus de la vitrine du Penny Lane Wine Bar. Strawberry Fields Forever et Penny Lane devaient au départ faire partie du nouvel album des Beatles, mais Capitol Records aux États-Unis assistait pour obtenir rapidement un 45 tours. Ces deux titres furent donc publiés en tant que double face A. Le 45 tours grappa aussitôt au sommet des charts américains, mais ne dépassa guère la deuxième place en Angleterre. Ouais, bah d'abord c'est dommage parce que ça aurait mérité la première place, mais deuxième, c'est encore bien. John Lennon sous les régions 1973. I know, I know. What's coming down? And I know. Vous allez me dire, ça ne vaut pas la version des Platters. Peut-être pas. N'empêche que cette version-là, en 1974, par Ringo Starr, sur l'album Goodnight Vienna, je trouve qu'elle passe aussi. Elle vaut le coup. Ça, c'est du bon Ringo Starr, avec sa voix traînante, ça va très très bien. C'est un beau slow. J'aime beaucoup cette chanson de Ringo Starr. Cette reprise, on va dire, alors, pour être plus sûr, de Ringo Starr. Revenons à l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est Extra Texture, Read All About It. Et ce titre, Oh baby, you know that I love you. Sur RIG, bien sûr. Thank you. avez entendu la basse sur ce morceau-là, j'adore. Vraiment très très bon morceau, extrait de l'album Extra Texture, Read All About It de George Harrison. Nous arrivons maintenant à la cover. La cover, c'est une chanson chantée par John, Paul, Ringo, George avec ou sans les Beatles, même si eux-mêmes avaient déjà repris une chanson d'un de leurs pères, genre Chuck Berry, Little Richard, celui que vous voulez. Si même si les Beatles en avaient fait une cover, la personne qui reprend une chanson chantée par eux devient la cover, et ça peut être quelqu'un de connu ou pas. Ce soir, c'est quelqu'un de connu. Il s'agit de Ben Harper sur l'album George Fest, A Night to Celebrate the Music of George Harrison, sorti en 2016. Voici Ben Harper qui reprend Give Me Love, Give Me Peace on Earth sur RIG. Et vous avez entendu, c'est en live. Give me life, give me life, keep me free from birth. Give me hope, help me cope with this heavy load. Trying to touch and reach you with heart and soul. Understand you won't.

goodbye. Don't make me cry, don't make me blue. 'Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by. Don't pass me by. Vous ai-je dit que l'album de la semaine, c'était un album de George Harrison? Oui, je vous l'ai dit. C'est l'album Extra Texture, Read All About It, sorti en 1975. Et le titre que je vous propose d'écouter ce soir, c'est Tired of Midnight Blue sur RIG. RIG 90.7, la radio des Beatles.

like giving up. Don't you know life is tough, let it go. C'est du Ringo de très très bonne facture, du très très bon Ringo. Et renseignement pris, évidemment, je vous ai dit au début de la chanson que George Harrison apparaissait pour la dernière fois sur cet album. Oui, c'est sur la chanson King of Broken Hearts et non pas sur cette chanson Vertical Man. On retrouve George Harrison une dernière fois avec This Guitar Can't Keep From Crying, mais une version faite plus tard sur RG. Out on a

Something completely different, comme disaient les Monty Python, puisque là, c'est le deuxième bonus de l'album Jeep Station. C'est pour Pascal. Atteindre la station 2. Tout le monde sort du bus, s'il vous plaît. Merci. D'avoir suivi cette émission que j'aime animer avec vous en votre présence sur 90.7 pour ceux qui écoutent en FM et pour le reste du monde sur www.rgfm.fr. À la semaine prochaine, je sais que vous allez aimer ce qui va suivre puisque c'est Johnny de A à Z avec Eric Gallo dans ses œuvres. À très bientôt, ciao.